Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans le Mag sur Radioactive, le Mag d'actu qui vous propose un zoom sur les initiatives locales. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler théâtre. On vous emmène à Noisé, petite commune du Val d'Amboise, où le théâtre est à l'honneur en cette fin mai. Alors effectivement, du 23 au 25, il y aura trois soirées de spectacles qui se succéderont dans la salle des fêtes grâce à l'association Sport et Culture à Noisé et sa section théâtre Les Noisigolos. Une programmation variée entre comédie populaire et théâtre d'impro qui va donc inviter le public local autour d'un même mot d'ordre, le plaisir de jouer et de partager. Les Noisigolos, c'est une troupe 100% amateur noiséenne qui ouvrira les festivités donc vendredi 23 mai. Et puis qu'on retrouvera également les jours qui suivront. Et puis La Page qui tourne, compagnie amboisienne spécialisée dans l'impro, qui accompagne notamment les jeunes comédiens en herbe de la MJC d'Amboise. Donc une soirée où tout peut arriver, c'est justement ce qui plaît, j'imagine, au public amateur de théâtre. Alors pour nous parler de ce week-end théâtral, nous avons autour de cette table aujourd'hui Laurence David Carré, responsable de la section théâtre à Noisé. Bonjour Laurence. Bonjour Marlène. Et puis Ève Cerisier de la compagnie La Page qui tourne, intervenante de théâtre d'impro à la MJC d'Amboise. Bonjour Ève. Bonjour Marlène. Alors peut-être qu'on va revenir quand même dans un premier temps, je vais m'adresser à Laurence pour qu'elle nous rappelle un petit peu ce que c'est que la section théâtre des Noisigolos, depuis quand elle existe, voilà, un petit mot pour remettre les choses dans le contexte. Alors les Noisigolos donc, sont à l'œuvre depuis 2001, c'est une activité théâtre que l'on a créée à Noisé, donc activité en milieu rural, qui perdure. Depuis toutes ces années, donc 24 ans. 24 ans d'ateliers et 24 ans également de spectacles, puisque tous les ans, nous organisons donc un spectacle de fin d'année, en général au mois de mai-juin. Et puis 2016, donc, nous organisons également un festival de théâtre amateur qui a eu lieu en mars. Donc des Noisigolos qui sont très mobilisés pour proposer des spectacles théâtraux sur Noisé, mais en accueillant bien évidemment des publics du Val d'Amboise et bien au-delà, quelquefois. Bien sûr. Alors Ève, je me tourne à présent vers vous, Ève Cerisier. Un petit mot sur La Page qui tourne, sur le théâtre d'impro à la MJC. Là encore, remise dans le contexte. Avec plaisir. Alors pour l'anecdote, moi j'ai découvert l'improvisation en 2001, dans un autre milieu, pas à Noisé, mais je trouve que c'est amusant cette synchronicité. Aujourd'hui, je suis effectivement à Amboise à l'origine des ateliers d'improvisation auprès de la MJC. Nous sommes trois intervenants, Mathieu, Séverine et moi. Et c'est la deuxième année d'activité de ces ateliers avec également spectacle de fin d'année, sauf que la différence, c'est qu'on peut jouer un peu différemment. Quand on est improvisateur, on peut jouer même si on n'est pas exactement préparé de la même manière, ce qui fait qu'on a aussi des activités parfois au cours de l'année, par exemple chez Artisanale qui nous a aimablement accueillis pour une soirée open impro, une soirée où tout le monde pouvait participer. Et c'est ainsi que nous avons fait la rencontre des Noisigolos. Et voilà. J'allais vous demander, c'est quoi le lien entre vous deux? Comment ça s'est passé alors? Eh bien, ça se passe tout simplement en regardant et en écoutant Radioactive. On apprend qu'il y a une soirée donc, à Amboise où une nouvelle compagnie donc, vient faire des prestations d'improvisation. Je suis interpellée et forcément, j'y vais. Ça me plaît. Ça me plaît. Et donc, je rencontre tout de suite Ève. Et puis de là, voilà, on discute et on fait des projets ensemble. Projet qui va donc aboutir. Alors, si je me trompe pas, parce que là vous avez un week-end avec plein de rendez-vous. Donc il y a le rendez-vous sur lequel vous allez être en collaboration qui sera le samedi 24, c'est bien ça? Le samedi 24, la soirée, donc c'est-à-dire à 20h30, nous accueillerons La Page qui tourne et les Amboisinsins. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, je crois. Le groupe des adhérents de la MJC, donc improvisateurs amateurs qui vont vous faire un cabaret. Voilà. Donc le format de cette manifestation, donc du 23 au 25, c'est un format cabaret. Donc une mise en scène un petit peu particulière pour accueillir nos spectateurs. Donc la soirée du samedi donc, est toute consacrée à La Page qui tourne et aux Amboisinsins pour qu'ils nous fassent le spectacle, un spectacle en deux parties que Ève peut présenter. Eh bien allons-y Ève, on peut improviser du cabaret. Oui, exactement. Alors, ce qui est assez amusant, là aussi, une synchronicité, c'est-à-dire que quand on parle de cabaret, souvent on parle du lieu cabaret, et c'est ça qui, je crois, a bien inspiré les Noisy-Golo. Lieu type café-théâtre, on a des tables rondes, des chaises autour, c'est un peu participatif, un peu amusant. Et en fait, en improvisation théâtrale, on utilise ce même terme pour désigner un type d'improvisation. Le type d'improvisation qui correspond à des improvisations courtes, qui vont s'enchaîner les unes après les autres, avec diverses contraintes, mais sans lien les unes avec les autres. On va être en opposition au match d'improvisation, où également on va avoir des improvisations plus ou moins courtes, qui vont s'enchaîner sans lien les unes aux autres, sauf qu'en match d'improvisation, on part, en fait, l'essence du match d'improvisation, c'est le match de hockey au Canada. Et donc, ce sont deux équipes qui se rencontrent et à la fin, il y a un gagnant. En cabaret d'improvisation, on peut rencontrer les mêmes propositions d'improvisation, mais pas sur deux équipes et donc pas avec un gagnant à la fin, en format spectacle. Et puis en revanche, nous, les animateurs, donc Séverine, Mathieu et moi-même, de la page qui tourne, on vous propose également un format cabaret, mais à trois, par la suite, en deuxième partie, qu'on a appelé Impro Trio, et sur lequel on a créé des concepts pour s'amuser, en fait, pour vous proposer trois concepts différents. Là encore de cabaret, mais un peu plus élaboré, je dirais, puisque nous sommes professionnels de l'improvisation, si je puis me permettre. Mais oui. Et justement, qu'est-ce que ça apporte, ce type d'expérience, aux comédiens d'impro amateurs qui... Parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, hein, et vous expliquiez que des fois, hein, une petite appréhension de la part des comédiens amateurs d'aller justement se produire. Là, finalement... On sait que tout se passe bien. Il y avait de l'appréhension ce coup-ci, là ? Alors, un peu moins, puisque maintenant, pour la plupart d'entre eux, c'est la deuxième année. On a eu quelques nouveaux cette deuxième année. Non, beaucoup moins d'appréhension parce qu'ils savent maintenant nous faire confiance. Je dirais, c'est surtout ça l'essentiel. Après, je ne dis pas, je ne vais pas parler pour eux. Je pense qu'il y aura une petite montée d'adrénaline au moment où on arrivera, on découvrira les lieux, etc. Mais là, on est hyper sympa parce qu'on va les préparer en quelque sorte sur les catégories d'impro. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas découvrir au pied levé les contraintes qu'on va leur proposer sur scène. On va un petit peu les voir avant. Donc, ils vont découvrir ça en écoutant Radioactive et l'émission. Est-ce qu'il y a une participation du public qui est prévue ? Bien sûr. Alors, tout bon spectacle d'improvisation qui se respecte a une participation avec le public parce que c'est ça qu'on aime. Oui. D'abord, premièrement, c'est sympa pour tout le monde, pour le public, pour nous, on interagit. Et en général, c'est principalement sur ce qu'on appelle la prise de thème ou la dotation des comédiens. La prise de thème, c'est sur quel thème allons-nous faire une histoire ? Chat, cacahuète, ok, on va prendre la cacahuète qui aime les chats. Bon, je vous fais un exemple pourri, comme tout bon exemple qui se doit. Et ce qu'on appelle la dotation des comédiens, ça va être sur des choses un peu plus élaborées comme mon personnage a un trait de caractère particulier, quel est-il ? Il est colérique, il est radin, ok, bon bah il est radin, etc. Ça c'est une dotation d'un comédien pour son personnage. Donc on aime, on en a besoin et en plus c'est absolument indispensable parce que c'est ce que moi j'appelle la preuve de l'improvisation. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, enfin, c'est même très systématique, j'ai la remarque suivante. Mais en fait, c'était pas vraiment improvisé, vous avez déjà fait ça. Et pour nous, c'est essentiel de... Enfin, la réponse est non, et c'est essentiel de pouvoir le prouver par le fait que les inspirations viennent du public. Et donc, tout spectacle d'impro prend ses inspirations auprès du public. Et nous, improvisateurs, c'est surtout ça qu'on aime, parce que c'est ça qui nous met en danger, c'est ça qui nous donne du plaisir, qui nous met sur la corde raide et qui nous oblige à nous réinventer à chaque instant. Et avec les Noisy-Golo, Laurence, vous pratiquez du théâtre d'impro aussi ? Alors, pas tous les Noisy-Golo. D'accord. Nous avons un atelier jeune, qu'on appelle les impros. Ok. Voilà, et qui, eux, travaillent sur l'improvisation. Alors, c'est une improvisation travaillée. Alors, j'ai peut-être pas les termes. Nous, on appelle ça de l'écriture au plateau, par rapport à ce que tu m'as indiqué. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce sont les jeunes qui proposent des idées, des thèmes, etc. Et puis, au fil des séances, ils en retiennent quelques-uns, quelques-unes. Et puis, ils vont les travailler un petit peu plus pour que ça devienne quelque chose qui file bien. Qui file bien. Donc, mais oui, pas de texte chez eux. Ils sont jeunes, donc ils ont une bonne mémoire. Et tout se fait effectivement sur le plateau. Après, pour les adultes, non, on fait des improvisations un petit peu en atelier pour se préparer. Mais non, en général, on travaille sur des projets qui sont préparés, qui sont soit écrits par nos soins, soit des petites scénettes qui sont écrites par d'autres, par des auteurs. Mais c'est un exercice qui est fort utile à tout comédien. D'où l'intérêt des diverses formes de théâtre que vous proposez les uns et les autres. Chacun peut y trouver ce qui lui plaît. Avez-vous vu, mesdames, le film Star is Born ? Ça vous parle pas, Bradley Cooper et Lady Gaga ? C'est ça, oui. Alors, si vous vous souvenez bien, au début du film, on est dans une ambiance cabaret et on a une Lady Gaga qui nous interprète La vie en rose. Et je vous propose qu'on marque un petit temps avec cette chanson pour nous mettre dans l'ambiance cabaret. Et on se retrouve tout de suite après pour que Laurence nous parle des autres spectacles, puisque là, on a beaucoup parlé du samedi, mais il se passe plein de choses encore. Donc, on se retrouve tout de suite après la pause en musique. D'ailleurs, qui font baiser les miens, en rire qui se perdent sous sa blouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. C'était Lady Gaga sur Radioactive. Nous sommes de retour dans le Mag d'Actu. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités. Laurence David Carré, responsable de la section théâtre à Noisé, et Eve Cerisier de la compagnie La Page qui Tourne, intervenante de théâtre d'impro à la MJC d'Amboise. Et pourquoi sont-elles venues toutes les deux aujourd'hui ? Eh bien parce qu'elles ont des projets communs, et notamment, on a assez largement parlé en première partie d'émission, de ce samedi 24 mai à 20h30, où il y aura un spectacle cabaret des Amboise Zinzin, à savoir les élèves, les adhérents, les apprentis improvisateurs. Voilà, qui seront là. Mais il se passe encore beaucoup de choses autour de ce week-end de théâtre. Laurence, début des hostilités, vendredi 23 mai. C'est bien ça, à 20h30. Qu'est-ce qui se passe ? Les Noisigolos montent sur scène. Ouh. Alors, les Noisigolos, donc, il faut entendre par là les jeunes Noisigolos, du moins les impros, on dira les ados aussi, les ados, qui montent sur scène avec les adultes. Donc, notre projet cette année, c'était de faire un spectacle ensemble. Quel que soit notre âge, le plaisir de la scène, il est partagé par tous. Donc, faisons un spectacle commun et enchaînons nos scénettes sur le thème de la rencontre. C'est pour ça qu'on a appelé ce spectacle « Rencontre au hasard ». C'est super parce qu'on cherche toujours à faire de l'intergénérationnel et le théâtre, pour ça, c'est parfait. Ah oui, oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas d'âge, finalement, pour se mettre des limites en matière de théâtre. Après, c'est une question de projet pour que ce soit adapté à l'ensemble des comédiens. Oui. Voilà. Nous avons dans notre troupe donc, une collaboration avec la compagnie Roger Masto, en la personne de Giro Thomas, accompagnée de Caroline Lédogard. Et tous les deux donc, encadrent les impros et les ont préparés pour réaliser des scénettes sur le thème de la rencontre. Et puis, au fil de ce spectacle, eh bien, ce sont les adultes qui viendront aussi ponctuer et occuper l'espace avec leurs propres scénettes. Et cette fois-ci, imaginées par nos soins. Et on y rencontrera, entre autres, des personnages qui, normalement, ne devraient pas se croiser sur scène. Mmh. Mais voilà, à l'occasion, Marie Curie, Van Gogh, peut-être un nouveau président, un certain Félix, enfin voilà, différents personnages viendront se croiser sur scène pour donner à ce thème toute sa raison d'être et en particulier des conversations qui quelquefois sont incongrues, voilà, ou surprenantes. Je pense que ce sera du plaisir en tout cas pour chacun à partager ce moment sur scène et on y croit. Je notais sur notre flyer donc un tous en scène des Noisigolos pour ne pas oublier qu'une telle rencontre est un événement précieux. Et ça, c'est important de pouvoir consacrer du temps ensemble, les jeunes et les adultes, sur des passions partagées et de se dire que voilà, on est tous là pour faire un beau spectacle. Voilà, ça c'est pour le vendredi soir. À 20h30. À 20h30. Et nous rejouerons le dimanche après-midi, à 15h. Et cette fois-ci, il y aura une toute première partie, j'ai envie de dire, une place pour les tout petits Noisigolos, les débutants. Alors, quand on dit tout petit, on parle de quel âge, là ? Ah, elles ont 9 ans. Oh. Elles ont 9 ans, mes chouchoutes. C'est fabuleux. Voilà, donc elles viendront nous faire une petite version du Petit Prince. Oh, en plus. Voilà. Eh ben, dis donc. Donc ça, c'est le vendredi 23 mai à 20h30 et le dimanche 25 mai à 15h. Oui. J'imagine que, comme pour les autres dates, il est conseillé de réserver. Oui. Oui, c'est bien. C'est mieux, bien. Hein. Oui. Donc, on réserve comment ? Alors, on réserve de deux façons. Soit en appelant le 06 15 62 32 01, ou alors on va sur le site de notre association, ASC Noisé, avec un Z et un Y, .fr. ASCNoisé.fr. Très bien. Alors, on n'a pas fait le tour encore de cette belle programmation, puisque le samedi à 14h30, il y a une rencontre de jeunes comédiens en Val d'Amboise. Oui, c'est un rendez-vous que l'on organise depuis quelques années maintenant, faire en sorte que les jeunes de différentes troupes se retrouvent sur une même scène et partagent leurs projets. Alors, soit un petit bout de leur spectacle, ou soit de les mettre en situation d'improvisation avec nos animateurs donc dans chaque troupe qui les encadre. Et c'est en général un moment très apprécié que de les voir se mettre en scène et prendre beaucoup de plaisir. Alors, il y aura le théâtre Nouvelle Lune, le théâtre de l'Escapade et vous-même avec les Noisigolos. L'Escapade, c'est Chansons sur Choisy, c'est bien ça. Et Nouvelle Lune ? Nouvelle Lune, la Ville aux Dames. D'accord. Voilà, et peut-être une quatrième troupe qui viendra avec ces jeunes. Ah, surprise. Voilà, surprise. À découvrir le samedi 24 à 14h30. Très bien. Et puis, le samedi 24 à 20h30, le spectacle cabaret des Amboisinsins, puisque ça, on en a parlé en première partie d'émission. Vous serez là dès le début d'après-midi, Ève, pour voir les petits jeunes se rencontrer ? Alors, pas tous ensemble, mais on va se débrouiller pour faire du relais d'informations et venir voir ça, bien sûr. Et puis, le dimanche, on l'a dit, rebelote sur le spectacle contemporain avec beaucoup d'humour au programme. C'est ça l'ambiance qu'on attend, on va rire. Alors, on va rire, on va s'émouvoir, on va être surpris. Oui, il y a un petit peu de tout. Disons que là, on n'est pas forcément sur une proposition de comédie en tant que telle, hein, mais on est sur du théâtre où on vient dire des choses, mais on vient s'amuser aussi et prendre du plaisir et en donner. Voilà, c'est notre objectif premier. Et puis d'animer cette belle commune de Noisé qui est bien vivante. Oui, hein, également, tout à fait. Il s'y passe régulièrement des choses. En tous les cas, on a souvent l'occasion de se croiser dans le studio parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Il y aura des futurs projets, des futures envies de collaboration par la suite, Laurence et Ève? Pour moi, c'est certain. Voilà, voilà. Tout reste à construire. On a l'avenir devant nous pour réfléchir à tout ça. Mm-hmm. Hein, non, mais c'est une première. Donc, et puis, on est sur le même territoire. Et ça, c'est facilitateur aussi en termes de réalisation de projets. Donc, on est ravis de pouvoir, j'allais dire travailler, mais ce n'est pas le mot, de pouvoir faire des jouer choses ensemble et jouer ensemble. Voilà. Pour moi, l'essence de l'improvisation, c'est la rencontre. Hein. On n'improvise pas tout seul. Mmh. Et donc, au sein de notre groupe, on a déjà créé, et c'est la chose fondamentale, on a créé un socle de confiance, une émulation. Et maintenant que c'est fait, bah, faut ouvrir. Mais oui. Donc, on commence. Voilà. Et qui plus est, c'est vrai que dans nos communes rurales, on aime bien aussi pouvoir accueillir d'autres troupes et offrir aux Noiséens et autres tous les projets aussi des autres troupes, parce que aller sur une autre scène, je crois que c'est quelque chose aussi qui crée une dynamique très enrichissante, nourrissante en termes d'émotion. Donc, et puis c'est du challenge, on sort de sa petite zone de confort aussi quelque part. C'est exactement, oui. Exactement. Alors, on a parlé d'intergénérationnel sur scène, mais dans la salle, à partir de quel âge vous recommandez aux familles de venir avec leurs enfants? Je dirais à partir de 8 ans. Oui, à partir de 8 ans. Oui, tout à fait. Alors, le spectacle des jeunes, le samedi à 14h30, on peut être plus jeune encore. D'accord. Hein, bien évidemment. Et puis, le spectacle de vendredi et dimanche et samedi, ce sont des spectacles tout public. Après, oui, je pense, Ève. Moi, complètement, je donne des consignes en fonction de ça. C'est-à-dire qu'on va vérifier nos propos en temps réel, bien sûr, mais on va faire attention à nos propos, bien sûr. C'est juste une question d'horaire. Je sais pas, moi, les miens, à 22h, quand ils étaient petits, je pouvais rien en tirer. Donc, mais chacun voit son organisation. Bon. Très bien. On précise aussi peut-être que le samedi 24 mai, donc à 14h30, pour la rencontre des jeunes comédiens en Val d'Amboise, il y a une participation au chapeau, c'est-à-dire que c'est une entrée libre. C'est bien ça. C'est important à préciser. Voilà. Pour les autres spectacles, il y a une participation financière. Tous les détails sont sur le site internet que vous avez nommé tout à l'heure, Laurence ASCNoisé.fr. Et puis de préciser qu'il y a aussi une possibilité de réserver pour les deux spectacles. C'est voilà, ça, oui. Une sorte de passe. Oui, voilà, c'est ça. Qui est possible d'acquérir. Eh bien, on rappelle le numéro 06 15 62 32 01 pour réserver. On est sur quelle capacité, la jauge de la salle? On est sur 80 personnes. Ce serait déjà pas mal. Super, très bien. Donc, ça veut quand même dire qu'il faut pas tarder à réserver. Oui, c'est préférable. Eh bien, merci à toutes les deux pour ce coup de projecteur théâtral à Noisé. Donc, 3 soirées à ne pas manquer. Enfin, 3, oui, le dimanche, on est à 15h. Donc, on va dire 2 soirées à ne pas manquer, une après-midi également. Donc, que vous soyez amateur d'humour ou fan d'impro, eh bien, notez bien ces rendez-vous les 23, 24 et 25 mai à la salle des fêtes de Noisé pour célébrer le théâtre sous toutes ses formes. Merci, Laurence. Merci beaucoup, Marlène. Merci, Ève. Merci à toi, Marlène. Merci, Laurence. Merci, Ève. Et j'ai envie de vous dire à bientôt parce qu'on n'est jamais bien longtemps sans se croiser. À bientôt. Avec joie. C'est la fin de ce mag. Vous pourrez le retrouver en podcast sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. À demain.